Bien, merci donc de nouveau de votre présence et nous allons reprendre la deuxième partie de cette journée avec une intervention de François Georgeon, donc du CETOBAC rattaché au CNRS, sur le thème suivant, réflexion autour de la révolution jeune turque de 1908 dans l'Empire ottoman. Merci. Merci. Oui, dans le programme des concours, dans cette fameuse question sur le Moyen-Orient, il y a plusieurs révolutions. Si on prend d'ailleurs les deux extrémités de notre programme, eh bien, l'une des premières, c'est la révolution iranienne de 1906, qui est une révolution constitutionnelle, parlementaire. Et à l'autre bout, eh bien, on retrouve à nouveau une autre révolution iranienne, très différente, en 1979. Moi, je vais vous parler d'une autre. Ce sont des révolutions qui sont iraniennes précisément, c'est-à-dire locales, mais qui ont eu évidemment une influence autour, dans les pays alentours, tout à fait différentes d'ailleurs entre les deux, mais il est certain, par exemple, la révolution de 1906, qui suit elle-même la révolution de 1905 en Russie avec la Douma, eh bien, a eu une influence sur les mouvements constitutionnels qui ont pu avoir lieu dans les années suivantes, et notamment dans l'Empire ottoman. Et c'est précisément de cette révolution de 1908 qui, elle, affecte l'ensemble de l'Empire ottoman, c'est-à-dire au fond pratiquement toutes les régions de votre programme, si vous voulez, les provinces arabes comprises. C'est de cette révolution que je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, en réalité, donc, elle concerne, comme je disais, tout l'Empire ottoman, c'est-à-dire, je ne parlerai pas des Balkans, mais d'Istanbul au golfe Persique et du Caucase jusqu'à l'Égypte, plus ou moins encore ottomane à cette époque-là, mais occupée malgré tout par les Anglais, eh bien, il y a des ondes de choc de cette révolution, donc, qui est loin d'être restée localisée à la seule Anatolie et à la seule ville d'Istanbul. C'est un événement majeur la période couverte par votre programme, parce que non seulement, comme je disais, elle a eu une extension géographique très importante dans l'ensemble que vous êtes amené à étudier, mais en même temps, elle a eu des effets, elle a une histoire qui continue, qui se poursuit après 1908 et qui va affecter d'une manière différente, d'ailleurs, les différents pays du Moyen-Orient. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette révolution? D'abord, c'est une révolution constitutionnelle, parce que l'objectif de les jeunes Turcs et de l'armée qui était leur bras séculier, si vous voulez, eh bien, c'était de restaurer la Constitution de 1876, on en a parlé tout à l'heure, et qui avait été suspendue deux ans plus tard par le sultan Abdülhamid. Donc, il s'agit d'une. En fait, dans un sens, c'est une restauration. C'est une révolution, c'est une restauration, de restaurer, de remettre en pratique un texte qui a déjà une trentaine d'années, mais qui n'avait pratiquement a été mise en application, ou très peu de temps. Donc, cette révolution constitutionnelle s'inscrit justement dans un mouvement de révolution constitutionnelle. Donc, il commence, je le dis, avec la Russie en 1905, ensuite l'Iran en 1906, l'Empire ottoman en 1908, et si on prolonge la vague, si vous voulez, eh bien, on va arriver à la révolution chinoise de 1911, mais je crois que la Chine n'est pas dans votre programme, si je le crois bien. Bien. Alors, il s'agit donc de, dans la pratique, au fond, est-ce que c'est véritablement une révolution? En réalité, c'est un putsch, c'est un coup de force, plus exactement, un coup de force militaire qui est venu des officiers de l'armée de Macédoine, donc des Balkans. La révolution est originaire de Macédoine et des Balkans, qui, pour à la fois vouloir sauver l'Empire de la désagrégation et en même temps lui insuffler une modernité politique et donc constitutionnelle et parlementaire, eh bien, ces officiers ont décidé de faire pression sur Istanbul, faire pression sur le palais, sur le sultan, afin de l'obliger, de le contraindre à rétablir cette constitution qu'il avait suspendue. Donc c'est un coup de force pacifique d'ailleurs, il n'y a pas eu de, violence sur le moment, et donc c'est un putsch militaire, si vous voulez. C'est aussi, d'une certaine façon, une réaction de la province, en tout cas d'une certaine province, contre la capitale, et c'est un événement qui va... On a beaucoup discuté pour savoir est-ce que c'est vraiment une révolution. En tout cas, l'usage habituel est de l'appeler ainsi. Et je crois que c'est une révolution en plusieurs étapes. D'abord, donc, ce coup de force militaire. Ensuite, une deuxième, quelques mois plus tard, en avril 1909, une véritable intervention militaire, cette fois armée, à Istanbul pour restaurer le premier mouvement de juillet 1908. Et puis, autre étape, c'est la prise de pouvoir directe par la Légion turque en 1913, à la suite d'un coup de force à nouveau. Et on parle à ce moment-là de l'arrivée au pouvoir d'un triumvirat composé de Talat Pacha, Enver Pacha et Cemal Pacha. Alors voilà, je ne peux pas m'étendre sur cette révolution elle-même. Certains d'ailleurs la font se prolonger encore plus loin, en ce qui concerne la Turquie par exemple, jusqu'à l'époque kémaliste. Certains historiens disent que cette révolution de 1908 est finalement est plus importante encore que la révolution kémaliste, qu'on a l'habitude effectivement d'appeler également révolution, mais au fond peu importe. Donc prenons-la telle qu'elle est et essayons de voir ce qui émerge, les forces nouvelles qui émergent au cours de cet événement de 1908. Et je vais, prolonger enfin ce dont je vais parler, mais je vais en tout cas vous parler essentiellement de trois facteurs, si vous voulez, qui effectivement émergent en 1908 avec la révolution et qui est d'abord l'armée, ensuite qui est la jeunesse et enfin qui c'est une série de vocabulaire. La révolution de 1908 est aussi une révolution dans le vocabulaire politique et cela aussi aura des effets bien au-delà de 1908. Alors commençons par l'armée. Donc comme je l'ai dit, c'est cette révolution est d'abord un putsch militaire. Mais donc c'est l'irruption, si vous voulez, de l'armée ottomane sur la scène politique, sur la scène publique, enfin avec quelques restrictions, et c'est quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, depuis la suppression des janissaires en 1826, eh bien, donc, depuis 80 ans, si vous voulez, plus de 80 ans, eh bien, l'armée n'a pas eu vraiment de rôle politique dans l'Empire ottoman, sauf en 1876, mais un rôle quand même assez limité, au changement, au moment du renversement du sultan Abdulaziz. Mais dans l'ensemble, le 19e siècle ottoman est un siècle civil, si vous voulez, où, en réalité, le gouvernement appartient à la sublime porte, c'est-à-dire au gouvernement ottoman, et où est dirigé par des civils. Voilà, alors donc, 1908, c'est donc l'irruption de l'armée dans l'histoire contemporaine de l'Empire ottoman, et c'est donc, comme je vous disais, quelque chose de tout à fait nouveau. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce que c'est que cette armée, si vous voulez ? Quelle est cette armée qui intervient, au nom de quoi intervient-elle, et c'est ce dont je voudrais vous entretenir en quelques mots. D'abord, c'est une armée donc fille des Tanzimat, fille des réformes, c'est-à-dire c'est une armée qui a été modernisée avec les réformes de l'Empire ottoman. D'ailleurs, cette modernisation a commencé avant même la période qu'on appelle les réformes. Elle a commencé au XVIIIe siècle, je crois qu'on l'a rappelé ce matin, tout simplement parce que le conflit entre l'Empire ottoman et l'Europe obligeait en quelque sorte à réformer d'abord l'armée. Il fallait d'abord maintenir un peu d'équilibre militaire et donc moderniser l'armée. Or, cette armée, effectivement, a eu tout au long du XIXe siècle donc, des occasions d'intervenir. Il y a eu de nombreuses guerres au Sotur, notamment la fameuse guerre de 1877-78. Ensuite, une autre guerre dans les Balkans contre la Grèce. Et puis, les mouvements guérilla qui se sont développés, notamment en Macédoine, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Donc c'est une armée qui a beaucoup d'expérience sur le terrain. Mais ce qui est très important, c'est que cette armée a été modernisée, et en particulier la formation des militaires. Et on a parlé, je crois, ce matin de l'école militaire. Il y a des écoles qui se constituent donc fin XVIIIe siècle. Et l'école militaire, qui, elle, date des années 1830, pour en parler, eh bien, a été le lieu probablement le plus moderne dans le système d'enseignement de l'Empire, parce qu'encore une fois, il fallait absolument introduire dans la gestion militaire, dans la gestion de la guerre, eh bien, les nouvelles techniques, donc les nouvelles sciences, si vous voulez, qui étaient à la disposition des armées à cette époque-là. Donc, on peut dire que vers 1900, si nous nous passons en 1900, disons, eh bien, probablement ce sont les officiers ottomans qui reçoivent la meilleure formation dans l'Empire ottoman, et une formation qui est très moderne, hein, parce qu'il y a justement les sciences, il y a la physique, il y a la géologie, il y a la chimie, toutes sortes de sciences qui sont enseignées, et qui sont enseignées évidemment sans qu'ils puissent s'exercer de censure sur ces domaines. Alors, il y a une autre caractéristique de cette armée, et qui est que, à la suite d'une réforme justement de l'époque des temps immates, eh bien, on a créé un système d'enseignement militaire commençant à l'école primaire. C'est-à-dire, à partir des années 1870, eh bien, vous avez des écoles primaires militaires, des écoles secondaires militaires, ensuite l'école de guerre à Istanbul, et puis l'école d'état-major qui est le haut de la pyramide de l'enseignement militaire. Et c'est un point extrêmement important parce que ça veut dire que de jeunes ottomans, souvent d'ailleurs peu fortunés, eh bien, pouvaient trouver à travers ces écoles militaires qui étaient gratuites, eh bien, pouvaient trouver une ascension sociale et pouvaient monter parmi les devenir, faire partie des élites militaires de la fin de l'Empire. L'autre conséquence, c'est que, en fait, ils étaient un petit peu coupés du reste de la société. Et étant dans une école militaire à partir de 10 ans, déjà formés au métier de soldat et prenant l'habitude d'être ensemble, eh bien, cette société militaire, on a fini par créer une sorte de société militaire à part de la société civile et se considérant donc comme souvent comme supérieure. Par exemple, un élève d'une école militaire qui se trouvait à Edirne, à Andrinov, au début du XXe siècle, il écrit ceci, et je crois que c'est très significatif. Il est donc à l'école primaire militaire de cette ville d'Edirne, enfin Andrinov en français, et il écrit ceci. « Quand l'école était finie et que je sortais dans la rue, je regardais de haut tous ceux qui n'étaient pas militaires. » Et qui n'était pas élève d'une école militaire. Donc c'est le sentiment qu'il y a un esprit de caste, si vous voulez, il y a une société à part qui se constitue, des gens qui sont plus modernes, plus en contact avec les sciences modernes, généralement ayant une attitude assez découplée de la religion, bien sûr, du fait de leurs propres études. Mais il n'y a pas que cela, donc une excellente formation. D'une certaine façon, si vous voulez, l'armée est en avance sur le plan de la formation, elle est en avance par rapport à la société civile et elle est mieux formée. Et je me place ici vers 1900. Donc ce système des écoles militaires est important. Il y a un autre caractère qui est très important également, c'est que l'armée était essentiellement musulmane. Dans cet empire pluriel, où il y avait, on l'a rappelé abondamment ce matin, toutes les religions étaient représentées, ou presque, si vous voulez, eh bien l'armée a été réservée en fait aux musulmans. C'est d'ailleurs une discussion qui a eu lieu à l'époque des réformes. Est-ce qu'on admet les chrétiens et les juifs dans l'armée? C'est un débat qui a eu lieu et qui s'est terminé en fait par la négative, puisque c'est seulement en 1909 que les non-musulmans ont été admis dans l'armée ottomane, donc ont été appelés à la conscription de l'armée ottomane, et encore dans des conditions assez particulières. Donc, l'armée de cet empire pluriel est une armée musulmane, et si l'on considère l'ossature de cette armée, et en fait ce sont surtout des Turcs d'Anatolie. Donc l'armée est musulmane et elle est dans une bonne part composée de Turcs, mais il y a aussi des Albanais, des Arabes, bien sûr, et des Kurdes, donc qui sont dans cette armée, mais les Kurdes sont probablement dans une proportion qui est plus forte que celle qu'ils ne représentent dans l'Empire. C'est une armée qui a été modernisée aussi grâce aux Allemands, en particulier à partir des années 1880, l'Empire, après la défaite terrible contre la Russie en 1878, eh bien, pour accélérer la réforme de l'armée et sa modernisation, a fait appel à des experts allemands. Le plus connu est von der Goltz, qui a joué un rôle très important, en particulier dans l'enseignement militaire qui était dispensé à l'école de guerre. Et en particulier, l'un de ses ouvrages, La nation en armes, qui a été très vite traduit qui était à l'origine en allemand, qui a été très vite traduit en ottoman, a eu une grande influence, si vous voulez, l'idée que la nation entière, en quelque sorte, représentait l'armée, ou plutôt que l'armée représentait la nation. Et sur ce plan-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit souvent qu'il y avait un militarisme, si vous voulez, ottoman, qui était... qui était lié justement à l'armée prussienne. En réalité, il y a un militarisme ottoman, mais qui est plutôt sui generis, enfin, qui n'est pas simplement une imitation du militarisme prussien, parce que justement, le recrutement de l'armée, le recrutement des officiers, se faisait sur une base sociale très large. Et au lieu que dans le système prussien, eh bien, l'officier devait être seulement appartenir à une famille de hobereaux, il y avait vraiment un sentiment de caste qui était extrêmement fort. Dans l'Empire ottoman, au contraire, les officiers qu'on a retrouvés pendant les multiples guerres du début du XXe siècle, c'est-à-dire l'Italie, guerre balkanique, Première Guerre mondiale, guerre de libération, eh bien, en fait, ce sont souvent des gens originaires de la petite bourgeoisie, ou de basses conditions. Et alors que l'armée prussienne, si vous voulez, est plutôt fondée sur une espèce de conservatisme de classe, eh bien, c'est le contraire dans l'Empire ottoman. En fait, ces officiers issus des écoles militaires, eh bien, ils sont au contraire plutôt pour le changement, pour le progrès, pour la transformation de l'Empire et pour sa modernisation. Autrement dit, si vous voulez, alors qu'en Prusse, militarisme rime avec conservatisme, eh bien, dans l'Empire ottoman, il a plutôt rimé avec progressisme. C'est une chose très importante, c'est-à-dire que l'armée se présente comme, en quelque sorte, l'avant-garde de la nation. Et c'est intéressant parce que, là aussi, c'est vers le début du XXe siècle que cette idée d'une armée, finalement, qui est au service de la nation et qui doit être le fer de lance du changement qui doit non seulement le protéger militairement, mais en même temps lui apporter une modernisation qui, sinon, ne vient pas ou viendrait tardivement. Il y a donc un devoir, une responsabilité des officiers, si vous voulez, vis-à-vis des progrès de l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, un des principaux intellectuels du Turc, Ahmet Rezat, a écrit justement en 1907 un manuscrit qui s'appelle Le Soldat, et dans lequel il appelle justement au rôle de l'armée comme fer de lance, comme avant-garde de la modernisation de l'Empire. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est à peu près au même moment que Lénine établit sa stratégie de prise du pouvoir justement sur une élite professionnelle qui va représenter le prolétariat. On est dans un contexte différent, mais en Russie et dans l'Empire ottoman, on cherche malgré tout, vous le voyez, une élite qui va être le levier du changement et de la révolution. Qu'est-ce qu'elle a sur le plan idéologique ? Eh bien, en fait, cette armée a été au contact avec le mouvement jeune turc. Elle a été au contact avec le mouvement jeune turc, c'est-à-dire avec ses intellectuels exilés de l'Empire ottoman, dont beaucoup étaient à Paris, et qui avaient pour idée, bien sûr, la modernisation de l'Empire, de se débarrasser de du despotisme des sultans, et surtout avec l'idée donc d'un empire ottoman qui serait constitutionnel, qui serait parlementaire. À la fois, cela réglerait dans leur esprit le problème du pluralisme ottoman, si vous voulez, ça éviterait ces nationalismes qui sont la plaie de l'Empire ottoman depuis le XIXe siècle, et une constitution éviterait également l'intervention d'Europe, puisque tout le monde serait égaux, il y aurait des citoyens égaux devant la loi, et qu'il n'y aurait donc plus nécessité pour l'Europe d'intervenir dans les affaires de l'Empire ottoman. Alors, voilà l'esprit avec lequel ils interviennent en 1908, et voilà, finalement, ce putsch s'appelle la révolution de jeune turc. Encore une fois, ils ne prennent pas à proprement parler le pouvoir, ils restent dans les jeunes turcs, donc les militaires, restent aux côtés du pouvoir, ils restent comme une sorte d'organisme de contrôle, et ça n'est que peu à peu qu'ils vont véritablement prendre le contrôle de la vie politique ottomane. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes, comme vous l'avez dit. D'abord en avril 1909, à la suite d'un mouvement de réaction. Donc l'armée, cette fois, intervient. Et cette fois, il y a des morts. C'est-à-dire la révolution cesse d'être pacifique et elle met en scène les militaires plus qu'en juillet 1908. Et puis ensuite, en 1913, et dans ce triumvirat dont je parlais, il y a deux militaires, deux officiers, donc Enver Pacha et Cemal Pacha, le poids politique de l'armée est désormais, vous voyez, très, très important. À partir de là, d'ailleurs, ce rôle politique de l'armée va être l'objet de nombreuses discussions. Beaucoup de jeunes turcs n'étaient pas d'accord pour que l'armée continue à jouer un rôle politique, pour qu'elle intervienne dans les politiques. Donc il y a eu de nombreuses discussions. Et en tout cas, le résultat, eh bien, c'est que, à la fois en Turquie, mais également dans le Moyen-Orient, eh bien, cet événement de 1908 va jouer un petit peu comme un paradigme, si vous voulez, ou comme un modèle, plutôt comme un paradigme, c'est-à-dire d'un groupe d'officiers qui intervient pour apporter à l'Empire une solution, c'est des sauveurs en quelque sorte, c'est l'armée, les officiers dans le rôle de sauveur de la nation et également du groupe qui va lui apporter la modernisation. Alors on peut suivre effectivement ce schéma, si vous voulez, en faisant attention de ne pas lui donner, bien sûr, le caractère d'un modèle qui serait suivi, mais on peut suivre malgré tout dans le Moyen-Orient, après la Première Guerre mondiale, qui a évidemment été une guerre militaire, bien sûr, et où les militaires ont vu d'ailleurs dans la guerre une possibilité justement de révolution. Si l'Empire ottoman entre dans cette première guerre mondiale en 1914, d'une manière qui nous paraît un petit peu folle, puisqu'il sort de plusieurs guerres, l'Italie, la guerre des Balkans, que l'armée ottomane est épuisée, si malgré tout les jeunes Turcs font entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne, eh bien parce qu'ils attendent de cette guerre, comme tout le monde, ils attendent qu'elle sera très courte, ils attendent de cette guerre que ce soit l'Allemagne qui la gagne et que finalement ils gagnent la guerre par Allemagne interposée, d'une certaine façon, et ils en attendent surtout une sorte de révolution intérieure, c'est-à-dire ils voient la guerre comme un moyen d'apporter quelque chose, une transformation radicale et fondamentale dans l'Empire ottoman. Alors, on peut voir donc l'armée qui va devenir, si vous voulez, un élément, sinon prépondérant, tout au moins essentiel dans l'histoire du Moyen-Orient et finalement jusqu'à nos jours, d'une certaine façon jusqu'à nos jours. D'abord en Turquie même, puisque Mustafa Kemal est un militaire, c'est un général qui est issu de la Première Guerre mondiale, enfin, qui est passé par l'école, il est passé lui précisément par les étapes dont je parlais tout à l'heure, l'école primaire militaire, collège militaire à Monastir, et puis ensuite l'école de guerre à Istanbul, l'école d'état-major, et il est tout à fait représentatif justement de ces élites militaires de la fin de l'Empire qui sont éclairées, qui ont été influencées par les jeunes Turcs, qui sont influencées par la Révolution française, par les Lumières, et qui se considèrent comme sauveurs, si vous voulez, d'un empire ottoman en train de mourir, de disparaître. Et cette figure donc, de l'officier sauveur, si vous voulez, eh bien, elle va se maintenir, bien sûr, longtemps au Moyen-Orient, sans, encore une fois, que l'on puisse établir, qu'il fasse établir une liaison, si vous voulez, organique entre. Mais il est vrai qu'en Iran, par exemple, si vous regardez l'Iran, eh bien, à peu près, d'une manière contemporaine, à Mustafa Kemal est dans des conditions très différentes. Reza Khan, le fondateur de la nouvelle dynastie, les Pahlavi en 1925, eh bien, et lui aussi, il fait une sorte de coup d'état militaire. La différence, c'est lui, il était pratiquement analphabète, si vous voulez, contrairement aux officiers ottomans, mais en réalité, c'est l'armée qui prend le pouvoir entre 1921 et 1925 en Iran, mais qui fonde une dynastie. Et puis, on retrouve par exemple un schéma, encore une fois, je ne veux pas faire d'influence directe, bien sûr, entre les événements, mais vous savez bien à quel point l'armée et les officiers ont joué un rôle important dans tout le Moyen-Orient ensuite pour promouvoir généralement l'idée de progrès et éventuellement mettre à bas les monarchies qui subsistent dans ce Moyen-Orient. C'est le cas des officiers libres en Égypte en 1951-52, c'est le cas en Irak du général Qassem en 1958, etc. On pourrait sans doute allonger les exemples. Mais malgré tout, dans le cas égyptien, ce qui est intéressant, c'est que au moins l'un de ces officiers libres a avoué clairement le lien qu'il y avait avec Mustafa Kemal. C'est le cas de Sadat, donc Anwar Sadat, qui dans ses mémoires raconte à quel point dans sa famille à Alexandrie, toute la famille avait été impressionnée, si vous voulez, par le parcours de Mustafa Kemal. C'était un peu un modèle. Et du reste, son père, il y avait des tableaux de Mustafa Kemal dans la maison familiale, et son père avait donné à ses fils des noms de jeunes Turcs. Et c'est pourquoi Anwar s'appelle Anwar, c'est-à-dire c'est la forme arabe, donc Enver Pacha est la forme turque. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'au Moyen-Orient, d'ailleurs, que ce nom a été donné. Vous savez, l'habitude de donner le nom d'un héros est quelque chose qui n'est pas rare au Moyen-Orient. Donc, il y avait une admiration pour ce Mustafa Kemal, officier patriote, si vous voulez, qui avait libéré son pays, libéré de l'emprise des puissances impérialistes, et qui avait établi un régime progressiste qui avait mis fin à la monarchie ottomane. Ottomane, de la même façon que les officiers libres en Égypte mettront fin à la monarchie égyptienne et à, donc à la dynastie dont le dernier représentant était Pharaon. Alors, tout ceci donc pour vous, tout ceci pour vous inciter à regarder de près l'armée et son rôle tout au long de la période qui vous concerne. En 1980, il y a un nouveau coup d'État militaire en Turquie, donc il y a cette série de coups d'État militaire. L'armée est présente un peu partout au Moyen-Orient. Et donc, d'être attentif à quoi ? Eh bien, à ce qui distingue le militaire du civil, si vous voulez, cet élément de distinction. Est-ce qu'il a duré ? Est-ce qu'on le retrouve partout ? Et donc, d'être attentif aux écoles militaires, au système de formation des officiers, si vous voulez, et sur place, mais aussi, bien entendu, aux envois d'officiers à l'étranger, dans les écoles en Allemagne ou en Angleterre, ou même aux États-Unis. Donc, être sensible à l'idée de caste, à l'idée de caste militaire, à l'idée d'une société à part, si vous voulez, en quelque sorte, et qui a pour mission donc, de faire progresser. Un autre point qui est intéressant mais qui est sans doute plus difficile, ce sont que peu à peu, les armées se sont constituées des assises économiques. Des assises économiques pour la Turquie, on le voit à partir des années 1960, après d'ailleurs le premier coup d'État de celui de 1960. Je ne connais pas où l'armée finalement se constitue comme puissance économique à l'intérieur du pays. Mais récemment, à propos de l'Égypte, on a parlé aussi de cette puissance économique que représentait l'armée égyptienne. Comme je ne connais pas bien l'histoire de l'Égypte, je ne sais pas à quel moment a commencé l'édification de ce fondement économique, mais il est certain que c'est quelque chose auquel il va falloir faire attention. Et puis, la façon dont intervient l'armée aussi sur le plan politique est parfois différente. En Turquie, vous savez, il y a eu une espèce de translation en fait, de l'armée et de toute la hiérarchie sur le monde civil, le monde politique, mais avec l'idée de remettre le pouvoir aux civils et non pas de le garder, parce qu'il y a une forme de modernité peut-être qui s'attache à un pouvoir civil plutôt qu'à un pouvoir militaire, une forme de légalisme aussi. Qui a pu jouer. Par contre, il y a des armées, il y a des coups d'État qui portent le nom d'un des responsables. C'est différent, par exemple, en Irak, en 1958, on parle toujours du coup d'État du général Qassem, par exemple. Vous voyez, il y a des contextes qui sont un peu différents, et bon, je ne veux pas épiloguer là-dessus. Je passe à un deuxième point, si j'ai encore du temps. Largement, très bien, c'est parfait. Pardon ? 15 minutes, parfait. J'ai parlé de ce deuxième point, c'est quoi ? Eh bien, c'est la jeunesse. La jeunesse, j'ai eu déjà l'occasion de parler de jeunes officiers, si vous voulez, et effectivement, si on regarde par exemple l'âge des jeunes turcs qui opèrent sur ce putsch de 1908, eh bien, ce sont de très jeunes officiers. Et Enver, pour reprendre cet exemple et pour ne parler plus de Kikini, justement, eh bien, Enver, merci. Enver, il a 27 ans, il est un major de l'armée ottomane, il a 27 ans, et la plupart de ses compagnons, si vous voulez, sont des gens très jeunes. Donc, déjà, une idée, si vous voulez, de la jeunesse de ces armées, mais la révolution de Turquie va beaucoup plus loin sur ce plan-là, et il faut rappeler déjà quelle est la révolution de Turquie, qui est d'abord une révolution jeune, si vous voulez. En réalité, elle n'est pas jeune à cause de l'âge, on ne l'a pas appelé de cette façon à cause de l'âge des putschistes, si vous voulez, mais parce qu'on a rattaché ce mouvement à ceux de l'époque du printemps des peuples, de la jeune Italie, de la jeune Allemagne, de ces mouvements de l'époque romantique où la jeunesse jouait un rôle essentiel dans les transformations politiques et dans les aspirations de. Alors, ce qu'il y a de nouveau, donc, c'est qu'avec 1908, entre en scène la jeunesse, entre en scène comme force politique, si vous voulez, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau, et c'est si nouveau, d'ailleurs, que la tradition, sur le moment, d'ailleurs, on n'a pas trouvé de mot pour désigner ces jeunes turcs, et on a inventé en turc, on a pris le mot français, c'est-à-dire « jeune », J-O-M, qui désigne les jeunes turcs, parce que le rôle politique de la jeunesse, c'est quelque chose qui était inédit, si vous voulez, dans l'histoire ottomane. Voilà. Alors, pourquoi c'est inédit? Eh bien, parce que le pouvoir traditionnellement dans l'Empire ottoman, et ça va bien dans l'Empire ottoman, appartient au contraire aux gens d'un certain âge, à ceux qui ont de l'expérience, si vous voulez. C'est l'expérience, c'est l'accumulation de la technique, du pouvoir et des savoirs politiques, si vous voulez, qui constituent le fondement du pouvoir dans l'Empire ottoman. Et ça date donc de très longtemps, en réalité. Donc l'âge et l'expérience sont les deux facteurs qui font l'autorité, qui fondent l'autorité dans l'Empire ottoman. Et ça se retrouve à un certain nombre de niveaux. Le système de succession à cette époque dans l'Empire ottoman est ce qu'on appelle le seigneurat. Seigneurat. Et succède au sultan, non pas son fils, non pas l'un de ses fils, non pas son fils aîné, mais l'aîné de la famille. Ce qui peut être un oncle, ce qui peut être un cousin, ce qui peut être un neveu, en fonction de ce qui est disponible sur le marché familial, si je veux dire, de la famille impériale. Donc, c'est l'aîné, si vous voulez, de la maison ottomane qui succède au sultan et qui a donc été investi de l'autorité. Si on descend dans d'autres cercles, par exemple dans les villages, il y a le conseil des anciens qui justement, lui aussi, si vous voulez, eh bien, à côté du maire, eh bien, est doté d'un certain pouvoir. Et dans la famille, et c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça se maintient jusqu'à nos jours, le mode d'adresse entre frères et sœurs eh bien, distingue l'aîné des cadets, si vous voulez. Ahmed ou Mohamed, si vous voulez, pour le frère aîné, mais il y a des formules spéciales en turc et en arabe pour dire frère aîné. Et de la même chose pour sœur aînée. Et c'est quelque chose, donc l'aînesse, si vous voulez, est quelque chose qui est important, ce qui veut dire l'âge, l'expérience, plutôt que jeunesse. Et ces schémas d'autorité, on le retrouve en fait à peu près partout. C'est-à-dire que ce soit dans les confréries, par exemple. Dans les confréries, eh bien, c'est le chir, le chef, si vous voulez, le chef de la confrérie, et il est autour de lui des disciples, si vous voulez. Dans les corporations, il y a le maître et les apprentis. Au niveau politique, il y a le sultan et ses sujets, si vous voulez. Donc, on est toujours dans ce système de verticalité de l'autorité, hein, qui fonctionne aussi bien donc, dans les métiers qu'au niveau politique, ou même encore de la famille. Or, en 1908, eh bien, tout cela commence à être battu en brèche, si vous voulez, et c'est ça qui est important, c'est que, au fond, il y a une remise en cause non seulement de la monarchie ottomane, du despotisme du sultan, mais également, si vous voulez, du principe d'autorité, et il y a une revendication d'une jeunesse frondeuse, impatiente, formée aux idées nouvelles, en quelque sorte, pour prendre une partie, en tout cas, du pouvoir. Comment est-ce que ça a été possible, cela? Eh bien, parce qu'en amont, si vous voulez, de la révolution de 1908, eh bien, s'est formé à travers ces grandes écoles. Je crois qu'on a pas mal parlé des grandes écoles ce matin, si vous voulez. Elles se constituent peu à peu au XIXe siècle, mais on se rend compte que c'est finalement vers la fin du XIXe siècle que ce système est vraiment en place, si vous voulez, que ce soit l'école de médecine, l'école de droit, l'école d'administration civile. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une égalité de l'âge des élèves. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des classes d'âge à l'intérieur des écoles. Et ce qui n'était pas le cas dans le système, par exemple, traditionnel. Dans les médressés, par exemple, dans les écoles théologiques, eh bien, on a des étudiants de 13 ans et d'autres qui ont 45 ans, si vous voulez. Il n'y a pas quelque chose qui soit homogène sur le plan des âges. Or, dans les écoles, les nouvelles écoles supérieures à Istanbul et puis dans les grandes villes de l'Empire, eh bien, on a un système de classe d'âge et les sociologues le savent bien, ils nous l'enseignent, si vous voulez, c'est qu'il y a plus de communication entre gens du même âge qu'entre gens d'âge très différents. D'autre part, ces écoles étaient souvent composées de provinciaux, c'est-à-dire de gens qui sont détachés du milieu familial, donc qui sont entre eux, si vous voulez, qui se retrouvent entre eux dans des dortoirs, dans des internats, finalement avec un enseignement qui est plutôt livresque, qui est fondé beaucoup, et souvent en cachette d'ailleurs, ce sont les auteurs, les jeunes ottomans, par exemple, les premiers intellectuels ottomans des années 1860, revendiquant la liberté et le patriotisme, ou bien ce sont les philosophes des Lumières, etc. Donc, il y a une même culture, si vous voulez, dans ces écoles, les mêmes lectures, les mêmes revendications, qui peuvent être d'ailleurs des revendications tout à fait banales, liées à la vie étudiante, c'est-à-dire de concernant la discipline, la nourriture, les cantines, des choses aussi simples que cela, mais qui sont partagées. Ils sont partagés donc par des groupes d'étudiants. Il y a quelque chose qui se crée à cette époque-là, c'est le camarade, un nouveau type social, vous voyez, c'est le camarade de classe. Finalement, le camarade de classe, ou le camarade de promotion, si vous voulez, ce qu'il y en a, eh bien, c'est quelque chose de nouveau. En fait, d'ailleurs, l'expression, on le trouve en turc, c'est de faire kadaşı. C'est de cette époque-là que ça date, si vous voulez. Et entre les camarades de classe, il y a une relation qui est non plus verticale, mais horizontale. Et c'est un nouveau, une nouvelle société, en quelque sorte, qui s'organise au niveau de ces écoles et qui entre évidemment en conflit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande à ces élèves, c'est à ces étudiants, c'est d'être bien formés aux sciences nouvelles. Et puis, c'est le mérite. Ils arrivent au mérite, si vous voulez, et non plus à l'expérience. Et donc il y a un conflit là entre ceux qui arrivent par l'expérience et ceux qui arrivent par le mérite, parce qu'ils réussissent aux examens, et qu'ils revendiquent donc leur part de pouvoir dans une société et dans un système politique qui est en train de se moderniser, dans une bureaucratie qui est une bureaucratie légale rationnelle, si vous voulez, qui cherche en tout cas à être légale rationnelle pour reprendre le thème de Max Weber. Et par conséquent, c'est ça, si vous voulez, qui prépare en quelque sorte cette révolution jeune pure, non, qui prépare ces jeunes à vouloir prendre une part du pouvoir. L'un de ces jeunes, qui a une vingtaine d'années au moment de 1908, dit par exemple à propos de l'attitude de ces jeunes à l'égard de la religion, ils ont lu des auteurs matérialistes, on a parlé ce matin de Büchner, par exemple, qui a eu une très grande influence dans l'Empire ottoman. Il lit des auteurs positivistes, matérialistes. Il dit à propos de la pratique religieuse, en fait, ma génération, elle se faisait considérée comme un acte héroïque de ne pas jeûner pendant le Ramadan. Vous voyez, par exemple, c'est tout à fait ça exprime très bien, si vous voulez, l'état d'esprit de ces jeunes, un petit peu provocateur, si vous voulez, par rapport aux traditions ottomanes et par rapport aussi au système politique du sultan Abdulhamid. Celui-ci étant lié très fortement son pouvoir à la religion, à travers le califat. Quand ce pouvoir tombe, eh bien, la religion aussi est d'une certaine manière touchée, si vous voulez, par le mouvement politique. Bref, en 1908, donc, émerge cette jeunesse. La révolution est le produit de ces mouvements de jeunes dont je vous parlais, et en même temps, elle les amplifie. En même temps, elle les amplifie, puisqu'elle leur donne, à à cette nouvelle jeunesse l'occasion de s'exprimer, si vous voulez. La révolution de 1908 est une révolution, vraiment une révolution, si l'on regarde l'aspect liberté d'expression, liberté de réunion, liberté de déplacement. Toutes ces libertés ont été acquises d'un seul coup, d'une manière extrêmement soudaine, à la fin de juillet 1908. Et c'est ce qui fait que cette période est tout à fait passionnante pour l'historien, parce que grâce à cette liberté d'expression qui a existé, il a infiniment plus de documentation tout à coup. La presse, par exemple, a explosé. Il y a une multiplication peut-être par 10 des journaux qui ont été publiés dans l'Empire très rapidement. Et donc, l'historien dispose d'énormément de matériaux qui lui permettent en quelque sorte de mieux comprendre et de comprendre plus en profondeur ce qu'était la société ottomane et ce qu'il devait en sortir. Donc, il y a cette génération qui émerge, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une nouvelle génération qui émerge, mais on peut dire que c'est le phénomène de la génération, c'est-à-dire le phénomène générationnel qui, pour la première fois, apparaît dans l'Empire ottoman. Je compare ici avec ce qu'a écrit Pierre Nora dans Les lieux de mémoire à propos de la génération en France. Il explique très bien que la première génération, c'est-à-dire c'est les gens qui ont eu conscience de constituer entre eux une nouvelle génération, eh bien, c'est en France la génération romantique, celle qui est unie, en fait, qui unit les personnes par l'expérience de la Révolution française et de l'Empire. Et c'est ça, c'est là où se fabrique vraiment un esprit de génération, si vous voulez. Alors, il y a, il y a la bataille d'Hernani, il y a le gilet rouge de Théophile Gautier, etc. Il y a des événements symboliques, si vous voulez, qui tournent autour de cette question. Eh bien, c'est la même chose qui se passe en 1908. C'est-à-dire que non seulement il y a une nouvelle jeunesse, une jeunesse qui apparaît au pouvoir, mais en même temps se fabrique, si vous voulez, la génération comme un modèle à partir duquel on va compter le temps. C'est-à-dire il y aura la génération ensuite kémaliste, et puis il y aura, vous voyez, des générations au Moyen-Orient également qui vont se définir. Mais finalement, par rapport à ce patron au sens de la couture, si vous voulez, au sens de voilà. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le mot qui désigne en ottoman la génération voulait dire avant le genre humain, l'ascendance, etc. Et tout à coup, il se met à changer de sens, si vous voulez, et il exprime l'idée d'une génération, c'est-à-dire d'une couche démographique, si vous voulez, qui est à peu près, qui rassemble des individus à peu près du même âge. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette nouvelle génération? Il faut conclure. Eh bien, je vais conclure avec cette nouvelle génération. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va entreprendre donc des réformes. Elle va se manifester, elle va participer aux manifestations, d'ailleurs, de 1908. Elle va utiliser la presse, la caricature. Chaque révolution a son média, si vous voulez, qui domine. En fait, ils sont très nombreux en 1908. Il y a la presse, il y a la caricature, il y a des cocardes, il y a des brassards, il y a les drapeaux. À la fin de votre période, il y aura les cassettes de la révolution iranienne, vous voyez, c'est-à-dire, et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui sont les médias des révolutions. Donc, chaque révolution a ses médias, mais en 1908, ils sont très nombreux, et en particulier la photographie, les gravures, et tout cela permet, si vous voulez, de s'exprimer sur la scène publique. Mais la jeunesse est... Alors, qu'est-ce que font les jeunes? Eh bien, ils commencent par mettre le sultan au rancard, si je peux dire, et à l'exiler en 1909. Il n'y aura plus vraiment de figure importante à la tête de l'Empire ottoman. Finalement, il tue le père. La révolution de 1908, c'est la jeunesse qui se débarrasse. Il n'y a plus d'autorité paternelle dans l'Empire ottoman. De manière significative, en Turquie, on donnera à Mustafa Kemal le nom Atatürk, ce qui ne veut pas dire exactement le père des Turcs, comme on l'écrit généralement, mais plutôt le Turc qui a les qualités d'un père. Si vous voulez. Enfin, bon, l'idée de fond de paternalisme, si vous voulez, elle est par derrière. Voilà. Et donc, mais pendant un certain nombre d'années, pendant une quinzaine d'années, il n'y aura plus de père, et quand il n'y a plus de père, on fait des bêtises, et les jeunes Turcs ont fait beaucoup de bêtises, qui se passent sur les bêtises. Parce qu'il faut que je... Donc, être attentif à la jeunesse, bien sûr, parce que dans toute l'histoire du Moyen-Orient, il y a cette alternance, finalement, entre un pouvoir qui se méfie de la jeunesse, bien sûr, il ne faut pas qu'il refasse le coup de 1908, et donc on essaie de l'encadrer, on essaie de la former, de la structurer, de la canaliser, si vous voulez, dans des mouvements de jeunesse ou bien dans des mouvements paramilitaires, par exemple. C'est ce qui s'est passé très vite en Turquie et où, finalement, on a fini par se méfier énormément de la jeunesse. Donc, il faut être attentif, si vous voulez, à ces vagues, en quelque sorte, qui mettent la jeunesse sur le devant de la scène, dans quel que soit le pays que l'on considère. Et puis, bien sûr, la jeunesse, qui dit jeunesse, dit rêve. Et être attentive à l'histoire des rêves, bien sûr. Je pensais, en écrivant ceci, à ce film de Youssef Chahine qui s'appelle Alexandrie Pourquoi, et qui montre de jeunes gens, des adolescents égyptiens, qui, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, étaient ni point de quoi rêver, ni rêve de l'Amérique. Voilà, ben je termine malheureusement la troisième partie que j'avais prévue, qui était l'émergence de mon nouveau. La révolution est aussi une révolution dans le domaine du lexique et de la sémantique. Eh bien, malheureusement, je ne pourrais pas la traiter devant vous, mais il existe malgré tout des travaux sur ce point et je vous invite à les consulter. Merci de votre attention. Pour 10-15 minutes de questions, je vous en prie. J'ai une question autour de la problématique révolution par en haut, par la notion de feu. Si les bénéficiaires, vous avez parlé des extractions sociales modestes, ils avaient pour vocation de tenter une nouvelle élite moderniste, ou du moins se penser comme telle. Vous avez parlé du point de départ de 1905, mais il nous semble qu'on a la notion russe de 1905. Pour le coup, la classe ouvrière a quand même joué un rôle. La classe ouvrière. Oui. Et j'avais une question de ce point de vue-là. Si on ne peut pas forcément parler de classe ouvrière pour le monde ottoman, mais du moins de classe subalterne, quel a été le rôle des subalternes au sens large en 1908 et après, et comment expliquer la différence dans le rôle des subalternes au sens large, ou pas que la classe ouvrière en 1908 et après, à la différence de ce qui s'est passé en Russie. D'accord. Alors, il y a plusieurs réponses à apporter à votre question. Révolution par en haut. En fait, il y a c'est ce que l'on dit généralement de cette révolution de 1908, révolution d'élite militaire et civile. Mais il y a un historien turc qui a fait un peu scandale il y a quelques années en revendiquant pour cette révolution de 1908 un côté populaire. Et il, c'est trop en Turquie, l'histoire est extrêmement idéologisée, c'est-à-dire qu'elle a un rapport toujours extrêmement fort avec le présent. Et en faisant de la révolution de 1908 une révolution populaire et la grande révolution, celle qui aboutit justement à un régime parlementaire, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, il veut ôter à la révolution kémaliste sa place de premier plan, si vous voulez. Vous voyez comment l'idéologie rentre dans l'histoire. En réalité, la révolution populaire, oui, il y a eu des manifestations populaires, si vous voulez, de ce point de vue-là. On peut dire que c'est une révolution qui touche la population, si vous voulez, mais pour ce qui est de la fabrique du révolutionnaire, je crois, on est quand même plutôt dans le haut, avec ceci d'important, donc je vous l'avais tout à l'heure, c'est que finalement les officiers sont des officiers qui sont d'origine relativement modeste. Enfin, ça ne change pas le fait qu'ils sont montés dans l'ascenseur social grâce à leurs études. Deuxième point, oui, bien sûr, la révolution russe est une révolution où la classe ouvrière joue un rôle très important. elle aboutit à ce que souhaitaient les jeunes turcs, c'est-à-dire à obliger le sultan à concéder une constitution, si vous voulez, et donc une douma. Donc en fait, l'objectif était le même à la fois en Russie et dans l'Empire ottoman, mais l'Empire ottoman n'est pas une puissance industrielle, à la différence de la Russie, où il y a un prolétariat vraiment important qui s'est développé à mesure de l'industrialisation de l'Empire russe tout au long des 19e siècle, même avant, l'Oural, par exemple, etc. Donc il y a, si vous voulez, la configuration sociale est très différente. Pour ce qui est de la classe ouvrière, difficile de parler de classe ouvrière dans l'Empire ottoman, mais en tout cas, il y a aussi une émergence du monde ouvrier en 1908. C'est quelque chose dont j'aurais pu parler aussi, si j'avais eu le temps, là, plusieurs heures, évidemment. Parce qu'il va y avoir, juste après la Révolution, c'est-à-dire au mois d'août 1908, un mois après la Révolution, il va y avoir une vague de grève dans les entreprises industrielles, une très grande vague de grève qui était inattendue, et au fond, la classe ouvrière dit ben, il y a la liberté, et nous on veut aussi, il y a la liberté, il y a l'égalité, il y a la justice, et bien nous aussi, on veut notre part du gâteau dans cette affaire-là. Et l'industrie ottomane, donc, qui est assez faible encore, qui est limitée surtout aux grandes villes, c'est-à-dire la région d'Istanbul, la région d'Izmir, si vous voulez, et la région de Salonique, puisque Salonique est encore dans l'Empire en 1908, eh bien, bon, il y a des grèves vraiment très nombreuses, il y a une vague de grèves, et d'ailleurs, les jeunes Turcs qui sont des libéraux au point de départ, ils commencent à montrer leur certain conservatisme, parce que c'est eux qui vont s'occuper de remettre les gens au travail. Alors là aussi, il y a aussi une autre chose, c'est que cette classe ouvrière, elle est plurielle. C'est-à-dire qu'il y a, dans la classe ouvrière ottomane, il y a des Juifs, il y a des Grecs, il y a des Arméniens, il y a des Turcs, il y a des Albanais, il y a des Arabes, si vous voulez, c'est une classe plurielle, et où, à l'intérieur de la revendication ouvrière, il y a aussi des phénomènes des lignes de force qui sont ethnico-religieuses, si vous voulez. Donc le phénomène est compliqué, mais elle sera quand même suffisamment prise en compte pour déclencher des mouvements socialistes qui commencent en fait à partir de 1910 à peu près, là où précisément la présence ouvrière est la plus importante, la moins faible, disons, c'est-à-dire à Salonique et à Istanbul, et ces premiers mouvements socialistes seront souvent animés par des non-musulmans, c'est-à-dire des Juifs et des Bulgares, par exemple, vous voyez, qui seront les pionniers du socialisme ottoman. Vous avez parlé d'un contexte de révolution auparavant, oui. Notamment aussi de l'influence française sur les jeunes Turcs, mais avec l'éminence spécialiste qu'on a à côté de vous. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'une influence de 1948 et des révolutions françaises sur la révolution de 1908 donc, 1948 et la révolution française du siècle de la révolution. C'est la Révolution française qui est la matrice fondamentale de l'idéologie de jeunes Turcs. C'est 89. C'est pas seulement 89, c'est les Lumières. C'est-à-dire que c'est là, pour eux, la grande coupure. Et après, notamment, on ne dit pas révolution de 1789, on dit la grande révolution. On dit la grande révolution et tout le monde comprend en 1900 qu'il s'agit de la révolution française. Les autres révolutions, celles de 1830, 1848, la Commune, etc., ont eu sur le moment quelques influences. Ensuite, on a beaucoup moins. En 1848, par exemple, l'Empire ottoman a donné refuge à des émigrants hongrois, par exemple, qui avaient fui la répression du printemps d'époque, hein, disons, en Russie et en Autriche, par exemple. Mais on n'est pas dans... si vous voulez, le problème en 1908, c'est une autocratie qui ressemble un peu à celle de l'Ancien Régime, si vous voulez. D'ailleurs, on va parler de l'Ancien Régime en 1908. autorité. Et donc, ce qu'il faut, c'est en finir avec un pouvoir arbitraire et lui donner des règles, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, sur ce plan-là, c'est 1789 qui est le modèle. 1848, le printemps des peuples, c'est ne colle pas avec la conjoncture de 1908. Pas beaucoup, parce qu'on n'est pas encore dans un schéma, si vous voulez, de ces révolutions nationales. Plutôt, on a déjà été avant, si vous voulez, au cours du 19e siècle. Donc, en fait, c'est la révolution de 1789 qui est le paradigme fondamental. Ça l'est aussi dans la Russie, hein. C'est pas du tout seulement dans l'Empire ottoman que. Et puis, les intellectuels. Ottoman plus exactement, se rêve en philosophe du XVIIIe siècle parce qu'ils pensent que c'est les Lumières, la Révolution est fille des Lumières et de la philosophie du XVIIIe siècle. Ils disent si ça pouvait être pareil dans l'Empire Ottoman. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent dans le rôle de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau, etc. Merci. Merci. Oui. Vous avez dessiné les contours à la fin de votre exposé, de cette révolution lexicale, sémantique qui serait intervenue à partir de l'étranger. Alors là, c'est moi qui interviens. Pour dire que si jamais vous encouragez M. Lorgeon à faire sa troisième partie, je dis tout de suite c'est non. Mais en revanche, il lui-même s'engage en 2 minutes à vous répondre sur ce qu'aurait pu être cette troisième partie, c'est oui. Je m'engage. Alors, oui, une révolution dans les mots, c'est-à-dire, c'est pas exactement ça, mais de même qu'il y avait l'émergence de nouvelles forces sociales, si vous voulez, on aurait pu parler aussi des femmes, il y a un vocabulaire qui est nouveau et qui apparaît. C'est pas un vocabulaire nouveau. Il prend un sens nouveau et surtout il prend une place dans l'espace public, si vous voulez. On peut parler d'un espace public, c'est très compliqué en fait. Parce que est-ce que cet espace est unifié alors que l'Empire est très pluriel, c'est très compliqué. Disons, pour faire vite, qu'il y a des mots qui existaient déjà, qu'on connaissait, etc., mais qui tout à coup prennent une place beaucoup plus grande dans l'espace public, c'est-à-dire dans la presse, dans les discours, à l'Assemblée, c'est partout où on peut trouver des mots, même sur les banderoles, etc. Ces mots, c'est quoi? C'est le mot de liberté, fondamentalement. Fondamentalement, la révolution de 1908 est associée à la liberté. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot liberté? C'est autre chose, hein, si vous voulez savoir. En fait, elle a été connue sur le moment, on l'a appelée la proclamation de la liberté. Et non pas la révolution, enfin, c'est venu plus tard, le qualificatif de la révolution. On l'appelle la proclamation de la liberté, c'est-à-dire la constitution, si vous voulez, étant comme la garantie de la liberté et des libertés, en réalité. Et il y a une association très forte entre cette révolution et la liberté. Pour vous donner un exemple, en Turquie, il y a encore pas si longtemps, des gens qui étaient nés en 1908, eh bien, disaient « je suis né pendant la liberté ». Et les gens comprenaient, c'est-à-dire naître dans la liberté, ça veut dire « je suis né en 1908 ». Donc il y a une association très étroite. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot « liberté » a été pris dans un sens libertaire, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire un peu n'importe quoi, si vous voulez. Et c'est là que les jeunes Turcs ont canalisé ces forces un peu anarchiques qui s'étaient déclenchées au cours de la Révolution, mais que peu à peu, en fait, il va être écarté du vocabulaire. On ne retrouve pas dans le vocabulaire kémaliste, par exemple, Nathalie Clayer faisait allusion aussi flèche au slogan du kémalisme qui a été mis en place en 1931. Donc, il y a 6 termes parmi les termes de l'Haïti, dont on peut parler. Les 5 autres, je n'oserais pas vous les dire, parce que j'en oublie toujours un. Mais en tout cas, il n'y a pas de liberté. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas les 2 mots forts de 1908. Ces 2 mots forts, c'est liberté d'un côté, qui ouvre sur l'Occident, si vous voulez, et qui fait de cette révolution une révolution identifiable, ayant un label occidental, si vous voulez, qui permet la comparaison. Et puis l'autre mot important, c'est le mot de justice, alors qui renvoie au contraire à un tout autre arrière-plan sémantique, là, qui est beaucoup plus du côté de l'islam, si vous voulez, c'est le mot justice ou équité, disons, peut hésiter entre les deux. Et bien, c'est un terme très ancien qui a une caution paradigme qui se fonde dans le Coran et qui est un terme fondamental du système politique ottoman. Voyez, et donc, on trouve les deux mots. Et en fait, on peut dire que l'histoire du Moyen-Orient, du point de vue conceptuel, va être tirée entre ces deux termes. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, alors bien sûr, il y a d'autres mots, il y a nation, il y a. Vive l'armée, enfin je ne sais pas, il y a une étude évidemment très intéressante à faire sur tous les slogans qui ont été lancés en 1908, parce qu'ils sont lancés dans un esprit très créatif, très jaillissant. Si donc on compare avec la formule kémaliste de 1931, donc républicanisme, populisme, etc., étatisme, quels les mots que j'oublie. Eh bien, ça c'est des termes. De bureaucrates, si vous voulez, de politiciens. Alors qu'en 1908, il y a un jaillissement, si vous voulez. Ce sont des mots qui ont une force différente et qui vont évidemment avoir leur prolongement dans toute l'histoire du Moyen-Orient. Je parlais tout à l'heure des officiers libres. Eh bien, c'est la même racine en arabe que le mot qui est utilisé en turc ottoman, etc.